حديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا فقال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في الشجر البوادي قال عبد الله أي ابن عمر رضي الله عنهما وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قال حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة فهنا في هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها معنى لا يسقط ورقها أي لا يسقط العسيب والجريد بنفسها وإنما سقوطها بفعل فاعل بفعل فاعل أي يقوم بذلك واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بمناسبة وأنه أتي بجمار النخلة وهو أصل العسوب وهو أبيض وشديد الحلاوة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكل منها. Le guide des croyants en matière de hadith, le très grand savant, Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit, chapitre, la parole de celui qui narre le hadith, qui rapporte le hadith. Il nous a raconté, ou bien il nous a informé. Ou bien il nous a communiqué. Et Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a rapporté un hadith par une chaîne de transmission authentique. Il a dit Haddathana Qutayba, Haddathana Ismail ibn Ja'far, An Abdillah ibn Dinar, An ibn Umara. Cette chaîne de transmission remonte jusqu'au compagnon. Se nommant Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, qui est le fils de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, comme vous le savez, était le deuxième calife. Donc son fils, qui s'appelle Abdullah, dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, parmi les arbres, il y a un arbre dont ses feuilles ne tombent pas. Et il est semblable, cet arbre est semblable aux musulmans. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, narrez-moi quel est cet arbre. Et Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, a dit, les gens ont pensé que cet arbre était un des arbres de la campagne. Et Abdullah lui-même a dit, et j'ai su qu'en moi, que cet arbre était le palmier. Que cet arbre était le palmier. Mais j'ai eu honte. On va l'expliquer, Inch'Allah, c'est qu'il a eu honte de devancer les grands compagnons. Car dans cette assise, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé aux compagnons donc de citer quel est cet arbre, se trouvaient des grands compagnons, comme son père, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, et également Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Donc il a eu honte de devancer ses grands compagnons concernant la réponse. Puis ils ont dit, c'est-à-dire ceux qui se trouvaient dans l'assemblée, les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, narre-nous quel est cet arbre. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il est le palmier. Et donc ici, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, parmi les arbres, il y a un arbre dont ses feuilles ne tombent pas. Le sens, comment expliquer ? Les gens de science, c'est-à-dire les savants, le sens, la yaskutu waraquha, c'est-à-dire que la palme ou les palmes ou les feuilles de palme ne tombent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que ces feuilles de palme ne tombent que par l'effet ou par une personne à agir pour faire tomber ces feuilles de palme. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ces propos. Donc quand le messager sallallahu alayhi wa sallam a tenu ces propos, il a dit pour une raison. Et cette raison, c'est qu'on lui a apporté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui a apporté un cœur de palmier. C'est des branches de palmier. Cette branche, l'autre, le bout de cette branche était sucré. Et donc, cette branche était de couleur blanche. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam aimait manger de cette branche. Et donc, c'est pour cette raison que le messager sallallahu alayhi wa sallam a tenu cette branche. Thumma, indama qala, وإنها مثل مسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في الشجر البوادي قال عبد الله وقع في نفسي أنها نخلة فاستحييت. Donc ensuite, concernant donc la suite du hadith, donc il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle est semblable, donc cet arbre est semblable au musulman, narrez-moi quel est cet arbre. Et donc, on pensait que c'était un groupe d'arbres de la campagne. Et Abdullah ibn Omar, rapidement, m'a dit, et je suis en moi-même, il était le palmier. Et ensuite, il a dit, فَاسْتَحْيَيْتُ. Et j'ai eu honte. فَهُنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ثَنَاءٌ عَلَى الْحَيَاةِ وَلَكِنْ فِي حُدُودِ الشَّرْعِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه قال الإيمان بدعون وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب ولكن في موضعه وعندما نقول في موضعه لأن طلب العلم لا يجوز لأحد أن يستحي أن يجلس في حلقة العلم وإن كان عند أصغر منه وعنده علم فيجب عليه أن يجلس عنده ليفيد من علمه ولا يمنعه الحياء فيترك طلب العلم وأخذ الفقه وجلوس في مجالسه لأنها أي مجالس العلم رياض الجنة و لأن حاجته أي الإنسان إلى العلم ماسة وأكثر من حاجته إلى المأكل وإلى المشرب وغير ذلك من متطلبات الجسد. Et donc, par exemple, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, a dit, et j'ai eu honte. Ici, comme l'ont compris les gens de science, dans ce hadith, il y a une preuve de l'éloge de la pudeur. De l'éloge de la pudeur. Et tout cela dans les limites de la législation. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté dans le Sahih de Muslim, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la foi consiste en quelques 70 branches, parties. La meilleure de ces branches, de ces parties, est la parole La ilaha illallah. Vous savez, la parole de l'unicité, c'est la meilleure parole. Et la plus basse, ou le plus bas des degrés, ou la plus basse branche de la foi est écartée de la route ou du chemin à préjudice. Ceci est plus bas, ou degré. Et ensuite, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wal-haya » et la pudeur est une des branches de la foi. Et donc tout cela dans son contexte. C'est-à-dire que la pudeur donc, doit être prise dans son contexte. Et quand on dit dans son contexte, c'est-à-dire que concernant la recherche de la science, il est formellement interdit à tout d'être timide, de s'asseoir là où il y a des assises de science. Il lui est formellement donc interdit d'être timide. Et donc, il ne faut pas que la timidité, la pudeur, de s'asseoir dans des assises, de rechercher la science. Et même si cette personne qui dispense la science est plus petite que lui en âge, et que cette personne a de la science, il lui est une autre couleur. S'il trouve une assise, une assemblée de science, de s'asseoir pour tirer profit de la science, donc la pudeur, il ne faut pas que celle-ci l'écarte de chercher la science, de comprendre la religion, et donc de s'asseoir dans les assises de science. Et cela, dû que la personne, elle a un besoin urgent d'apprendre la science. Elle a un besoin urgent d'apprendre la science. Et apprendre la science, rechercher la science, est plus important que son besoin. Que son besoin de manger, de boire, ou toute chose que le corps nécessite. كما جاء في سنن الدارمي أنه قال العلم خزائن تفتحها المسألة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم توقيرهم له يهبون فيفرحون بالرجل أن يأتي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور يحتاجون إلى فهمها ليعملوها ويعملوا بها وينشروها فيستفيدون Et donc, également, il est formellement interdit à toute personne d'être timide concernant de poser des questions aux gens de science concernant la religion. Donc, il est formellement interdit, car celui, s'il reste timide et qu'il ne veut pas demander, alors il va rester dans l'erreur. Et le clé de la science, c'est en posant des questions. C'est comme cela qu'on dit le prédécesseur, la Zohri Rahmanullah Ta'ala, qui fait partie des tabi'in, la génération de il a dit العلم خزائن تفتح المسألة. Il a dit la science comporte des caisses, des boîtes, des trésors. Et seule la question ne peut les ouvrir. C'est-à-dire que pour acquérir le sens, pour acquérir la science, parmi donc les moyens qu'on peut acquérir la science, c'est de poser des questions aux gens de science. Et c'est pour cela que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les compagnons, comme on les appelle tous, ils avaient un grand respect envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au point que certains avaient un grand respect de pouvoir poser des questions. Ils avaient honte de poser des questions dû au respect qu'ils avaient envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'un bédouin, lorsqu'un homme venait de du désert, un bédouin, et qu'il venait interroger le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de points qu'ils avaient besoin de comprendre, afin pour qu'ils puissent apprendre ces points de religion, pour qu'ils puissent les mettre en pratique, et pour qu'ils puissent les propager. Et donc les compagnons, par cela, ils tiraient profit. Ils en tiraient profit en tant que science. Et cette science, elle illuminait, elle éclairait leur chemin. Falida, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhumah, علم جواب السؤال المطروح ولكن وقع في نفسه لأنه رأى في القوم من هو أكبر منه أو كبار الصحابة. Et donc, le compagnon, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, donc, il connaissait la réponse à la question qui a été posée. Il connaissait la réponse. Mais comme donc il était dans l'assemblée, et dans cette assemblée, il a vu que se trouvaient dans cette assemblée des personnes plus illustres que lui, plus grandes que lui, qu'à Abi Bakrin, radiallahu anhu, wa Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, wa Abdallah, radiallahu anhu. Et donc, dans cette assemblée se trouvait Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Et se trouvait également son père, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et d'autres compagnons semblables, qu'Allah leur fasse tous, qu'Allah les agrée tous. Fastahya an yataqaddama ala kibarihim, hatta yuthkara anna abahu qala lahu lamma akhbarahu law kunta qultaha lakana ahabba ilayya min kada wa kada. Et donc, dans cette assemblée, donc on a vu qu'il y avait donc d'autres compagnons qui avaient un plus haut rang que Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu. Et donc, c'est pour cette raison que ce compagnon, qu'Allah l'agrée, a eu honte. Il était timide. Il n'a pas voulu devancer ses grands compagnons. Et c'est pour cela qu'on a mentionné que lorsque son père, c'est-à-dire le père de Abdullah, qui est Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, on lui a informé, c'est-à-dire son fils lui a informé de la raison qu'il n'a pas voulu répondre à la question. Son père lui a dit, si tu l'avais dit, donc si tu avais dit la réponse, cela aurait été aimé auprès de moi plus que ça et plus que si. C'est-à-dire que son père aurait aimé que son fils puisse répondre et que cela aurait rendu heureux son père. Fal insan indama yusibu sadiquhu al-jawab as-sahih las يفرح لا سيما الابن أو الأب حينما يصيب أحدهم الحق أو يقول كلمة الحق. Et donc, lorsqu'une personne, son ami, répond à une question juste, la personne, normalement, elle doit être heureuse, elle doit être contente que son ami a répondu d'une manière juste. Et surtout, si cette personne est le père ou le fils. Et donc, la personne qui répond d'une manière juste, qui dit une parole de vérité, donc cette personne, donc celui qui la côtoie, doit être content que cette personne a pu répond d'une manière juste. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَدَابٌ مِنْ أَدَابِ الْمُتَعَلِّمِ أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مَنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْهُ. Et donc dans ce hadith, on comprend quoi? Qu'il y a un comportement que celui qui recherche la science, qui étudie, doit avoir. C'est-à-dire qu'il ne doit pas devancer dans la réponse ceux qui se trouvent dans l'assemblée qui ont un plus haut rang que lui. C'est un comportement que doit avoir donc ceux qui sont dans l'assemblée. Kama fa'ala Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, comme a agi ce compagnon Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. وهنا سؤال ici il y a une question qui se pose. هل الحياء مطلق أو مقيد. Et donc, il y a une question qui se pose ici. Est-ce que la pudeur doit être d'une manière absolue ou alors que la pudeur doit être restreinte ? الحق كما قال أهل العلم أنه مقيد. Et donc, la vérité, comme l'ont expliqué les gens de science, la pudeur doit être restreinte. بمعنى إذا كان استحياء الرجل من تقدم من بين يديه من هو أجل منه لا يضيع حكما شرعيا هذا هو المطلوب فإذا سأل عالم عن أمر العادي يجب على الأصاغر أن لا يتقدموا الأكابر ولكن إذا استأذن فلا مانع من ذلك ولكن إذا كان حياء الرجل يضيع حكما شرعيا خشي أن يفوته على المجلس لأن العالم لم يتنبه انشغل أو نسي فيستأذن العالم ويطلب منه البيان. Et donc, lorsque les gens de science ont dit que la pudeur doit être restreinte, ils l'ont expliqué par ce qui suit. Si maintenant, la personne se trouvant dans une assemblée, donc est timide. Et il est timide du fait qu'il ne veut pas devancer les gens qui ont un plus haut rang que lui dans l'assemblée. Et que lorsque le savant a posé la question, cela ne va pas omettre un point de la science. C'est-à-dire que si maintenant, le savant a posé la question et qu'en ne répondant pas à la question, le savant donc, qui a posé la question va répondre à cette question et dont les gens vont profiter de cette science. Alors cela est permis et demandé. C'est-à-dire que la personne qui connaît la réponse, mais il est timide du fait qu'il ne veut pas devancer ceux qui se trouvent auprès de lui qui ont un plus haut rang. Et que le savant va répondre par la suite, cela est demandé et requis. Mais maintenant, si le savant pose une question, et que la personne a peur que le savant, après, ne va pas répondre à la question, du fait que, par exemple, le savant va être occupé par tel et tel fait, ou que le savant, peut-être, va oublier. Alors, celui qui recherche la science, il demande la permission au savant. Et il demande au savant d'éclaircir aux gens, donc, la réponse, afin que les gens profitent de cette science. Donc ici, vous voyez, la pudeur est restreinte. ثم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوني ما هي. Et donc ensuite, nous allons voir un autre point. Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit فَحَدِّثُونِ مَا هِيَ et narrez-moi quel est cet arbre فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ طَرْحِ الْمَسَائِلِ عند الحاجة إليها على طلاب العلم. Et donc ici, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, narrez-moi quelle est cette arme, les savants ont déduit de ce hadith que c'est une preuve légitime de poser des questions à l'assemblée. C'est une preuve de pouvoir poser des questions à l'assemblée lorsqu'il y a un besoin, de pouvoir poser des questions à ceux qui recherchent la science. أي يطرح المعلم المسألة المهمة على طلابه لأغراض صحيحة منها مثلا ليختبر معلوماتهم فيحصل عنده طمأنينة لأنهم إذا علموا الناس انتفع الناس بعلمهم أو بتعليمهم ومنها أيضا لأهمية المسألة. Et donc, celui qui enseigne, il pose une question ou des questions importantes à ses étudiants, mais que lorsqu'il va leur poser ces questions, il faut que ceci soit pour des objectifs justes. Par exemple, afin d'examiner leurs connaissances. Et en cela, celui qui enseigne, il sera apaisé et réconforté du fait que ses étudiants, lorsqu'ils iront enseigner les gens tireront profit de leur enseignement. Et de même également, comme objectif de l'importance de la question ou du point religieux. فأما النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع لأمته بوحي من الله تبارك وتعالى وهو المعلم لهم والمبين لما أنزل الله عليهم يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك ذكرا لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فطرح المسائل من المعلمين على المتعلمين لينظروا في مستواهم أو ما أحرزوا من الفهم وهم يتعلمون العلم هذا شيء مشروع. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, est le législateur en ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Il a légiféré à sa communauté. Il a enseigné sa communauté. Et il a éclairci et il a mis en évidence ce qui a été descendu pour sa communauté. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et vers toi, nous avons fait descendre le rappel. » C'est-à-dire le Coran, pour que tu puisses l'exposer clairement aux gens, pour exposer clairement aux gens ce qui a été descendu pour eux, et afin qu'ils réfléchissent. Et donc, poser des questions de la part des enseignants à ceux qu'ils apprennent, afin qu'ils connaissent leur niveau et aussi pour voir s'ils ont acquéri de la compréhension. Lorsqu'ils apprennent la science, cela est légiféré. Ceci est légiféré. Et wa aidan dhalika lahu atharun hasana ka thiqati bin nafs wa hifz al masail wa hifz al masail al muhimma عندما يكون السؤال والجواب والأخذ والعطاء وتفهم فهما على وجه الحسن فيترتب على ذلك حسن العمل وصحته. Et donc, il y a des effets positifs lorsqu'on agit de cette manière, lorsqu'on pose donc des questions à l'assemblée. Il y a des effets positifs. Parmi ces effets positifs, c'est que l'étudiant, il va avoir confiance en lui lorsqu'il répondra à la question. Et de même, ceci servira de mémorisation, c'est-à-dire que l'étudiant mémorisera les points religieux lorsqu'il y a question et réponse. Donc il y aura obtention de science. Et aussi, l'étudiant pourra ensuite dispenser cette science. Et il comprendra cette science d'une bonne manière. Et découlera de tout cela l'acte. C'est-à-dire que l'étudiant mettra et œuvrera d'une manière saine. Wa kadhalika yajuzu. وكذلك يكون السؤال من المتعلم للمعلم والنظر في المسائل وعرضها على المعلم كل ذلك نافع ومفيد وبه تفهم تفاصيل الأحكام من حلال والحرام وغير ذلك. Et donc, également, il est permis que l'étudiant puisse poser des questions à l'enseignant. Et de même, il est permis que l'étudiant, donc, réfléchisse et étudie des points de la religion et qu'ensuite, il les expose à l'enseignant. Tout cela est profitable et utile. Et par cela, l'étudiant pourra tirer profit des points de la religion concernant ce qui est licite et illicite et autres. وَالَّذِي يُمْنَعُ مِنْ أَسْئِلَةِ الْمُتَعَلِّمِ لِلْمُعَلِّمِ وَيَكُونُ مَحْظُورًا هُوَ السُّؤَالُ الَّذِي لا يكون الغرض صحيحا والسؤال الذي يثير الجدل بين طلاب العلم بدون ثمرة يرجى الانتفاع بها. Et maintenant, il est formellement interdit à l'étudiant de poser des questions à l'enseignant et cela lorsqu'il va poser l'étudiant des questions et que sa question qu'il va poser n'a aucun but juste, peut-être quand il va poser la question cela son but ou son intention, c'est simplement de déranger celui qui va enseigner ou de semer trouble au sein de l'assemblée. Donc cela est interdit. Et également, toute question qui va engendrer polémique entre ceux qui recherchent la science et dont ne découlera aucun fruit, dont personne n'en tirera profit, cette question est interdite. فعندما طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة كأنها لون من ألوان المذاكرة يتذاكر أهل العلم مع أهل العلم أو مع تلامذتهم، وهو استظهار ما عندهم من القدرة والذكاء على الفهم، وهذا أسلوب راق من أساليب التربية. وهنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم بالجواب ثم أخبرهم بذلك، وهذا نظائره في سنة كثير ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا أو قال القوم: الله ورسوله أعلم. لأن ما لهم من علم بما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc, lorsque le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a posé cette question, c'est comme l'ont dit les gens de science, les savants, c'est comme si c'était une révision, un point de révision. C'est comme si les gens de science révisaient entre eux ce point de religion. Donc c'est semblable. Lorsqu'on pose une question, donc ici, comme l'ont dit les gens de science, à une révision. Et de même aussi, c'est pour laisser, ou c'est pour montrer, pour voir ce que l'étudiant ou la personne de science a comme capacité et comme compréhension et comme intelligence de compréhension. Comme capacité et intelligence de compréhension. Et ceci est un style fin parmi les styles d'éducation. Et de même, on voit dans ce hadith que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a posé cette question, il connaissait la réponse, mais il n'a pas voulu les informer. Puis ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les en a informés. Et ceci est semblable à de nombreuses situations que le messager sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec ses compagnons. Beaucoup de fois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons: savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Et ceux qui se trouvaient dans l'assemblée, les compagnons, qu'Allah les agrée, disaient: Allah et son messager sont les plus savants. Comme vous le savez, les compagnons ne pouvaient savoir ce avec quoi allait venir le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Thumma aydan, fi hadha al-hadith, عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فهدئوني ما هي، فوقع الناس في الشجر البوادي، قال عبد الله: وقع في نفسي إنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله، قال: هي النخلة. في هذا الحديث دليل أيضا على مشروعية ضرب الأمثال، فالله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في القرآن الكريم لأمور عظيمة في شأن التوحيد وفي شأن الشرك، يعرف الإنسان فضل التوحيد جلالة قدره ويعرف الإنسان خطر الشرك وعقيبة أمره فجاءت الآية في القرآن بصيغة المثل في آيات متعددة. Et donc, de ce hadith, également, les savants, les gens de science, on en déduit qu'il y a une preuve de la légitimité de citer des paraboles. Allah subhanahu wa ta'ala a cité des paraboles dans son noble livre concernant, pour des choses importantes, concernant l'unicité, concernant le cas de l'association, afin que l'individu connaisse le mérite de l'unicité et la valeur importante de l'unicité, et que l'individu connaisse la gravité de l'association et les conséquences néfastes de l'association. Et donc il y a des versets dans le noble Coran qui ont été mentionnés citant des paraboles, et ceci dans de nombreux versets. Fayaqulullahu azza wa jalla مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, a dit: ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah, c'est-à-dire qu'ils ont commis de l'association, la grande association, ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah sont semblables à l'araignée qui s'est donnée une maison, c'est-à-dire qui s'est construit une maison, qui a tissé une toile d'araignée. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et certes, la maison la plus fragile est bien celle de l'araignée, seulement s'il savait. Hada mathalun, ceci est une parabole. Darabaha Allah subhanahu wa ta'ala, dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité. Liyatabayyana li'abadati al-asnam wal-awthan annahum laysu ala shay. وأنهم توجهوا بعباداتهم لمن لا يستحق من العبادة شيئا لأنه لا يجلب لنفسه ولغيره مصلحة ولا يدفع ضرا لعزه ولضعفه. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a cité cette parabole afin de mettre en évidence que ceux qui adorent les statues, que ceux qui adorent les idoles, ils ne tiennent sur rien, et qu'ils se sont orientés avec leur adoration vers celui ou vers ceux qui ne méritent en aucun cas d'être adorés. Car ce qu'ils adorent, il ne peut, pour lui-même, et même pour autre que lui, apporter du profit. Il ne peut repousser le mal du fait de sa faiblesse et de son incapacité. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا الذباب ولو اجتمعوا له إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. Et donc c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux gens, donc il s'est adressé à tous les gens, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne pourrait créer une mouche, même s'ils se réunissaient tous. Et si la mouche venait à leur prendre quelque chose, ils ne pourraient le reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont faibles. Et certes, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. إن الناظر في هذا المثل كما جاء في كتب التفسير يجد أنه بيان وتوجيه للأمة. Et donc ce qu'il faut tirer de cette parabole, la leçon qu'il faut tirer de cette parabole que Allah subhanahu wa ta'ala a cité, a évoqué, comme cela a été mentionné dans les livres de tafsir, c'est que cette parabole est une mise en évidence et une directive à la communauté. لِيَتَوَجَّهُ بِعِبَدَاتِهِمْ لِخَالِقِهِمْ وَبَارِئِهِمْ الَّذِنْ فَرَدَ بِخَلْقِهِمْ وَتَكَفَّلَ بِأَرْزَاقِهِمْ وهو المتصرف فيهم بالإحياء والإماتة والخوف والأمن والصحة والمرض والغنى والفقر وطول العمر وقصر العمر وكل شيء فهو المستحق أن يعبد وحده. Et donc, il faut que les gens s'orientent. Donc, cette communauté, on a dit c'est une directive et une orientation pour cette communauté, que la communauté doit s'orienter lorsqu'elle accomplit des actes d'adoration vers leur créateur, celui qui a créé à partir de rien, celui qui leur accorde leur subsistance, celui qui les dirige, qui les gère, en les faisant vivre, en les faisant mourir, en leur accordant sécurité, en les faisant peur, en leur accordant la bonne santé, ou en les rendant malades, ou en les rendant riches, ou en les rendant pauvres, ou en les faisant vivre longtemps, ou en les faisant vivre peu de temps, et toute autre chose. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il est digne et il mérite d'être adoré uniquement sans rien lui associer. Wa amma alladhi lam yakhluq ولم يرزق ولم يملك شيئا من التصرفات مما لا يقدر عليه إلا الله لا يستحق من العبادة شيئا لهذا قال الله عز وجل ضعف الطالب والمطلوب أي العابد والمعبود كلهم ضعفاء يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Et donc celui qu'il ne crée pas, celui qui n'accorde pas subsistance et celui qui ne peut diriger ou administrer tout ce qui est du ressort d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mérite pas, il n'est pas digne d'être adoré. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le solliciteur et le sollicité sont faibles. C'est-à-dire que l'adorateur et celui qui est adoré sont faibles. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô gens, vous êtes les indigents, c'est-à-dire des gens pauvres, ayant besoin d'Allah. Et certes, Allah est celui qui se dispense de tout et qui est digne d'être loué. Wa idha kana al-amru kadhalik, fayajibu alayna an natawajjaha بالعبادات كلها المالية والبدنية له وحده لا شريك له فهو المستحق لذلك. Et donc, en connaissant cela, il nous est obligatoire à tous de nous orienter en accomplissant des actes d'adoration. Tous nos actes d'adoration, que ce soit des actes d'adoration financiers, comme la zakat, ou que ce soit des actes d'adoration corporelle, comme la prière, ou même que ce soit des actes financiers corporels, comme le pèlerinage. Donc, tout cela, tous nos actes d'adoration, sans aucune exception, doit être voué à Allah uniquement sans rien lui associer. Car c'est lui qui est digne et qui mérite d'être adoré sans rien lui associer. Wa darbul amthali fil Qur'an il karim kathiratun jiddan. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a cité de nombreuses paraboles dans le Qur'an. Elles sont nombreuses. Minha daraballahu al-mathala للحياة الدنيا وحقارتها وسرعة زوالها. يقول الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a cité de nombreuses paraboles. Parmi elles, Allah subhanahu wa ta'ala a cité comme parabole la vie d'ici-bas. Il a cité la vie d'ici-bas pour montrer la bassesse de la vie d'ici-bas et la rapidité de sa disparition. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et cite-leur en exemple. La vie d'ici-bas, qui est semblable à une eau qu'on a fait descendre du ciel, dont les plantes de la terre se sont mélangées à cette eau, et dont les herbes ensuite sont devenues desséchées, et dont le vent les a dispersées. Et certes, Allah est celui qui est omnipotent en toutes choses. Wa aidan. ضرب الله المثل لأهل الإيمان بشجرة طيبة قال الله عز وجل في سورة إبراهيم أصلها ثابت وفرعها في السماء. Et de même, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité en parabole les gens de la foi. Il les a comparés à un bel arbre. Il a dit « Asluha thabitun wa faruha fis sama » c'est-à-dire la racine est ferme et dont sa ramure s'élance vers le ciel. C'est par rapport aux gens de la foi, ceux qui ont l'unicité. « Wa daraballahu mathala li diddihim » et de même Allah dans la même sourate, Ibrahim, il a cité en parabole ceux qui s'opposent aux gens de la foi, c'est-à-dire les gens de la mécréance, Ahlul Kufr. قال الله عز وجل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Et de même, donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc pour citer en parabole, donc les gens de la mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala a comparé leurs paroles, c'est-à-dire leurs paroles de mécréance. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, et la mauvaise parole, c'est-à-dire ici la mauvaise parole, donc la parole de mécréance, est semblable à un arbre pourri qui est déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Wa aydan أن الله سبحانه وتعالى ضرب المثل لبطلان أعمال الكفار. Et aussi de même Allah سبحانه وتعالى a cité en parabole les actes des mécréants, c'est-à-dire que leurs actes est invalide, que Allah عز وجل n'accepte aucun acte d'un mécréant, que le mécréant œuvre, qu'il accomplit des actes bons, Allah ne les acceptera pas, du fait qu'il n'est pas croyant. قال الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به ريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على الشيء ذلك هو الضلال البعيد. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur est semblable à de la cendre que le vent a dispersée dans un jour de tempête. Et ils ne tireront profit de ce qu'ils ont acquis. Et cela est l'égarement profond. Fa al-amthal fil Qur'an al-Karim wa fi sunnati al-mutahhara كثيرة جدا فهي نافعة لمن يعقلها. Et donc les paraboles, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la sunna pure, la sunna authentique, les paraboles, elles sont nombreuses, très nombreuses. فهي نافعة لمن يعقلها. Et ces paraboles, elles sont profitables pour celui qui les comprendra. قال الله عز وجل وما يعقلها إلا العالمون. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ne les comprennent, c'est-à-dire les paraboles, que ceux qui ont de la science, les savants. واعلموا كان بعض السلف إذا قرأ المثل ولم يعرف مدلوله بكى واتهم نفسه أنه ليس من العالمين استنباطا من قول الله عز وجل تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Et donc sachez que certains prédécesseurs purs, lorsqu'ils lisaient des paraboles et qu'ils ne comprenaient point leur sens, ils pleuraient et ils disaient, ils s'accusaient qu'ils ne faisaient pas partie des gens de science. Et de cela, tout cela déduit de la parole d'Allah Azza wa Jal. Telles sont les paraboles que nous citons aux gens et ne les comprennent que les savants. فنكتفي بهذا القدر فإن شاء الله سنكمل ما بقي من فوائد هذا الحديث في الأسبوع المقبل. Donc on va se contenter de ce qu'on a vu aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine, on terminera donc l'explication à la lumière des savants, donc de ce hadith. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Allah.